Si tu vois la nuit s'effacer aussi, si tu vois le froid dans ses amis, si tu vois tourner le vent, si tu sens qu'il est brûlant, si tu vois que tu ne vois plus, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai promis pour toi d'entendre tes cris. Et si tu dois partir, mon cœur priera pour toi. Mon cœur priera pour toi.